السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، سندخل اليوم مباشرة في الدرس، وسنخوض حديثين جديدين، وهما الحديث 91 والتسعون، والحديث 92. نعم، on va prendre deux nouveaux hadiths aujourd'hui, le 91e et le 92e. Biznillah ta'ala. Yaqul an Abi Huraira radiyallahu anhu qal qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم. Donc selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah vous agrée trois choses et déteste trois choses. Il agrée pour vous que vous l'adoriez seul sans rien lui associer et que vous accrochiez tous à la religion d'Allah azza wa jalla, le Coran, et de ne pas vous diviser. Et il déteste pour vous les paroles inutiles, le grand nombre de questions et la perte de l'argent, c'est-à-dire le gaspillage, rapporté par musulman. Donc déjà dans ce hadith, on y trouve deux sifat parmi les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-oula al-rida wa thani al-karaha. Que Allah agrée des choses et que Allah déteste des choses. Donc il a débuté par les choses qu'Allah Azzawajal agrée. Et la première, c'est le tawhid, qui est la plus importante. قال فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Il agrée pour vous de l'adorer seul et de ne rien lui associer. يقول وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام والظاهرة والباطنة وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que les serviteurs doivent accomplir cette adoration pour Allah seul, azawajal, sans rien lui associer, avec la sincérité, et le dévouer un culte exclusif. Les gens doivent avoir la croyance, ou les vraies croyances, ainsi que la foi, bâtie sur ses fondements. Appliquer les rites de l'islam, qu'ils soient apparents ou cachés. Apparents ou cachés. Et tout cela s'accomplit par les actes saliha, les actes pieux. Et les comportements purs, et non pas les bassesses. Et tout cela en toute sincérité, en conformité avec la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et selon l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَوَدِينُهُ الَّذِي هُوَ وَصْلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ فَيَكُمُوا بِهِ مُجْتَمِعِينَ مُتَعَوِنِينَ عَلَى الْبِرَّ وَالتَّقْوَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. Donc ça veut dire qu'il faut s'accrocher tous à la religion d'Allah Azza wa Jal, qui est justement le point d'attache, la liaison entre nous et lui, c'est-à-dire entre ses serviteurs et lui-même. Qu'ils doivent s'unir, souder, s'entraider dans l'obéissance et la taqwa. Et il s'est basé sur le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que le musulman et le frère du musulman, il ne le laisse pas, il ne l'abandonne pas, ni ne lui ment, ni ne le méprise. بَلْ يَكُونُ مُحِبًّا لَهُ مُصَافِيًّا وَأَخًا مُعَوِنًا. Ça veut dire qu'il aime son frère, il est sincère avec lui, et s'entraide avec lui. Donc on y voit des sifats qui sont les sifats de الأخوة الإسلامية الصحيحة qui sont les sifat de la vraie fraternité islamique. La vraie. De s'accrocher, tous, de s'unir, mais sur quoi ? Sur l'islam authentique. De ne pas s'unir sur des intérêts futiles ou des idéologies fausses. Et ça, vous allez trouver chez qui ? Chez les Hizbis. Les Hizbis, qui sont, en réalité, tu les vois très nombreux, tu les crois unis, mais ils ne le sont pas. Juste, ils sont unis sur des afkar qu'ils ont. Une haine envers une personne, ou un amour envers une personne, à l'égard d'une personne. Et même s'ils diffèrent sur plein de points, à partir du moment où ils s'unissent sur cet objectif-là, tu les verras, tu les croiras unis. Donc ce n'est pas, en réalité, un amour, un désaveu pour Allah Azzawajal, mais pour une autre cause. Et la chose sur laquelle tu les verras unis tous, c'est la haine envers les gens de la Sunna, envers les salafis. Même si ils se nomment salafis ou al-Sunna, tu verras qu'ils ont la haine envers eux. Une haine incroyable. Tu les verras peut-être plus parler sur les salafis que sur les koufars. Tu les verras se taire sur des énormités de gens de leur groupe et faire des commentaires immenses et un tas de calem sur des erreurs secondaires chez les salafis. Parce que le but, en fait, c'est pas l'erreur qui les intéresse, c'est le manhaj. En réalité, c'est manhaj. Juste le reste, c'est pour gratter les murs. Donc ne pas se faire duper par ces gens-là. Leur union, il est faux. Et c'est pour ça qu'en réalité, ils ne bâtissent rien du tout. Juste de la moquerie, de l'humiliation, et pas de conseils. En fait, ces gens-là, ils vont te parler à quel moment, au moment où tu parleras sur eux. Donc en réalité, c'est pas un conseil pour Allah Azzawajal. Normalement, le conseil, tu le prodigues au moment où tu vois l'erreur. Pas au moment où la personne parle sur toi. Et tu vois que beaucoup de gens aujourd'hui se taisent les uns sur les autres, juste pourquoi ? Pour une maslaha dunyawiya. Mais le jour où ça explose, ça lance des dossiers à tout va. Et ainsi de suite. Un peu à l'image d'une équipe de criminels qui sont complices pour commettre un délit. Puis un jour, ils ont des conflits internes, mais ne peuvent se dévoiler comme quoi, si jamais tu en dévoiles un, l'autre va te dévoiler également. Enfin, Mtoum, ça c'est un esprit de la Hizbiya. Et tu vas acheter Géo aussi beaucoup de lâcheté. Beaucoup de lâcheté. Tu les verras comme on l'a vu auparavant dans la fitna qui s'est passée à Demej, écrit avec des pseudonymes, se croire malin, à se moquer, à rabaisser. Aucun courage chez ces gens-là. De parler leur nom, clairement, d'indiquer qui ils sont. Parce qu'ils savent très bien que si jamais on sait qui ils sont, on va trouver des choses incroyables sur eux. Pire que celles qu'ils reprochent aux autres. Ce sont des lâches, pour beaucoup d'entre eux. Donc la vraie Ikhwa Islamiyya, ce n'est pas d'être nombreux dans le vent, mais d'être nombreux sur du concret. Et ce n'est même pas d'être nombreux en soi, même si on n'est pas nombreux. Nien al-jama'a, man kana al-haq, walo kana wahda, comme a dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Le groupe, celui qui est sur la vérité, même s'il est seul. De ne pas être impressionné par le grand nombre des opposants et le petit nombre des gens fermes sur la religion. Donc le muslim se fera du muslim, il ne laisse pas. Il ne l'abandonne pas. Il ne ment pas sur lui, il ne le méprise. Et quand il y a une vérité à donner, il faut la dire. Et cela, en réalité, c'est une rahma pour le muslim. Afin qu'il se corrige, afin qu'il se réforme, et que sa situation s'améliore. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime les conseillers, comme a dit Allah Azza wa Jal, « Walakinnakum la tuhibbu an-nasihin » Cependant, vous n'aimez pas les conseillers. Summa yaqul, summa zakara ma kariha Allah li'ibadihi mimma yunafi hadhihi al-umur allati yuhibbuha wa yankusuha. Ensuite, Allah Azza wa Jal a cité les choses qu'il n'aime pas. Ses serviteurs sont des choses justement qui s'opposent à ce qu'on a cité précédemment ou qui réduisent leur valeur. Kasrat al-qil wal-qal, qui est le fait de beaucoup parler pour rien, apporter les ragots, les rumeurs, ainsi de suite. Fa'ina zalika min da'awi al-kazib, car ceux-là sont parmi les choses qui amèneront au mensonge. Elles sont comme les frères du mensonge. Wa adam tathabbut, de ne pas enquêter, s'assurer des informations que l'on donne. Wa i'tiqad ghayr al-haq, et d'avoir pour croyance autre que celle de la vérité. Et parfois, on donne des informations sans forcément citer le nom de la personne qui nous en a informé. Par exemple, quand c'est un khabar qui est mutawatir, qui touche une personne, un khabar qui a en réalité fait beaucoup de bruit et qui a été rapporté par plein de monde. Des fois, tu ne sais même plus qui est-ce qui te l'a dit, mais tu sais que tu l'as entendu, tu sais que c'est un fait qui est concret. Et des fois, il y a des gens qui en réalité te reprochent de ne pas donner tes sources. La chose, elle est simple. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a pris le hadith dans 40 Nawawiya, « Ala al-mudda'i al-bayyina wa ala al-yamin al-man ankara. » C'est-à-dire que celui qui apporte une chose, il apporte ses preuves. Et l'autre qui n'accepte pas, il jure par Allah. Il nie. Donc déjà une personne, quand tu lui dis d'une chose qu'elle a faite, elle doit jurer par là, non, je n'ai pas fait ça, c'est pas vrai. Totalement. Et souvent, il y a des choses qui se divulguent, qui se propagent sur les gens. Et les gens le savent. Donc déjà, le comportement à avoir, c'est toi-même de devancer et de ne pas attendre que cela se diffuse ou se propage, et de toi-même de clarifier. De dire, il se dit telle et telle chose, et j'atteste que cela est un mensonge. Et après, tu apportes des choses qui réfutent ce mensonge qui se dit à ton encontre, s'il y a besoin. S'il y a besoin. Enfin, des fois, il y a des choses qui se disent, il n'y a pas besoin de réfuter, c'est vraiment des futilités, des choses qui n'apportent rien du tout. Ça rentre dans le qu'il ou le qu'il, comme l'a dit l'auteur. Et des fois, il y a des choses qui sont reprochées, voilà, elles n'ont aucune valeur. C'est juste, des choses qui sont sans valeur. Tu n'as même pas à perdre ton temps à les réfuter et à t'expliquer. Tant elles sont tafiyah. Donc il dit tout cela, ce sont parmi les causes qui amènent à tomber dans les fitanes et de faire fuir les cœurs. Yaqul, wa min al-istighlal bil umur adharra 'an al-umur an-nafi'a. C'est-à-dire que tu t'occupes de choses qui sont nuisibles au détriment de choses qui sont profitables. Wa qalla an yaslima ahadun min shay' min dhalika idha kanat rahbatuhu fi al-qil wal-qal. Et tu verras que rares sont ceux qui sont épargnés de tomber dans ce genre de problème. Et là, il fait allusion aux gens qui sont habitués au qil wal qal. Et sur qil wal qal, aujourd'hui, tu te trouves principalement sur les réseaux. Ainsi de suite. Et dans les lieux de façade, où les gens se réunissent, pour autre que la religion. Et les champions du qil wal qal, ce sont les anonymes sur les réseaux. Les anonymes sur les réseaux. Parce qu'ils sont à l'abri en se cachant. Et dans les fitanes, ils ont toujours apparu ces gens-là. Même auparavant que les savants. Ils écrivent derrière des kunyas, derrière des pseudonymes, et ils insultent le savant. Ou ils font ce qu'ils veulent. Et toutes les rumeurs, ils les déversent. À tout va. Sans... dans le seul but de faire un tachouir, comme on appelle, c'est-à-dire de d'entacher à l'image de quelqu'un qu'elle ne l'aime pas. Pour des raisons personnelles? Non. Comme c'est le cas des Ismi, c'est pour ta religion qu'ils font ça. Ils n'aiment pas le ménage qui amène à ce que tu les dévoiles et qui va à l'encontre de leurs attentes. Et tu verras que les Ismi fonctionnent comme dans la surat Al-Ahzab, qu'on appelle écoalisé, que les le Mushrikoun et les Nasara et les Yahoud sont tous unis contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit Allah Ta'ala, Tahsabuhum jami'a wa kulubuhum shatta. Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. Mais ils étaient tous unis pour un même et ultime objectif, combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien aujourd'hui, ils font pareil. Tu les crois unis, tu les crois nombreux, et en réalité, tu vois qu'ils sont sur des choses opposées, mais ils ont un point commun, c'est la haine envers quelqu'un, la haine envers quelque chose. Et ça, ça les rallie. Ça les rallie. Et cette alliance, elle ne vaut rien du tout. Bel yamakruha. C'est la même alliance que les partis politiques, la même alliance que les forces sportives dans les clubs de foot, que les chanteurs qui chantent les uns avec les autres. C'est la même chose. C'est la même chose. Hein. Aujourd'hui, tu les vois copains, et demain, tu vas les voir, même s'ils ne le montrent pas forcément, en guerre. Pour un truc de dunya, pour une histoire de ceci, une histoire de cela. Haoulaï, Ril Mouafakin. Ils n'ont pas de tofik, ces gens-là. Juste de l'audace. يقول وأما قوله وكثرة السؤال فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة وسؤال على وجه التعنت والإعنات وعن الأمور التي يخشى من ضررها أو عن الأمور التي لا نفع فيها الداخرة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. Donc maintenant le fait de poser trop de questions également. Il s'agit des questions qui sont elles blâmable, comme les questions dans la dunya quand il n'y a pas de besoin, pas d'utilité. Ou les souhaits que l'on pose, les questions, par obstination, par exemple, quand on t'indique un jugement dans une mas'ala quelconque qui t'incombe, un jugement religieux, tu poses un tas de questions parce qu'au fond, tu n'es pas motivé à agir. Donc tu cherches un makhraj, un peu comme on dit. Comme on a cité l'exemple des Banu Israël, lorsque Moussa leur a dit de dégorger une vache, et de là, ils ont posé plein de questions sur la vache, alors qu'au début, la simple question, c'est égorger une vache. Inna Allah ya'murukum tasbihu bakara. Que certes, Allah vous ordonne d'égorger une vache. Et ensuite, de là, ils ont multiplié les questions parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Et également, de poser des questions dont on craint justement un préjudice derrière. Des fois, des questions, vaut mieux les éviter. Ou les questions de choses qui n'apportent aucun profit. Questions inutiles. Même s'ils sont sur un sujet permis, elles ne t'apportent rien. Dans le sens où Allah il a dit, « Ô vous qui avez cru, n'interrogez pas à propos de choses que si elles vous apparaissaient, elles vous déplairaient. » Là, c'était au moment où le wahi descendait, qu'il n'était pas de... Il n'était pas légiféré aux gens de demander au sujet de choses qui n'avaient pas été révélées, de crainte que cela ne leur soit rendu obligatoire par la suite. Après aujourd'hui, ce jugement n'est plus trop effectif, parce que la wahi est terminée, bien évidemment, mais il reste toujours d'actualité par rapport au point que l'auteur a cité. وَمَّا السُّوَالْ عَنِ الْعُلُومِ النَّافِعَ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِرْشَادِ أَوْ الْإِرْشَادِ فَهَذَا مَحْمُودٌ مَأْمُورٌ بِهِ. Quant aux questions qui, elles, sont profitables pour pouvoir avoir des directives et aller de l'avant en religion, cela est louable. Ce qui fait profiter, cela est tout à fait louable. Et dans beaucoup de situations, cela même est obligatoire. Fas'alou al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Quand tu ne sais pas, il faut demander. Surtout quand tu veux faire une chose, entreprendre une chose, tu demandes avant de commencer, de peur de faire du mal et après de te retrouver dans une situation embarrassante. On ne demande pas une fois qu'on a commencé, on demande avant de commencer. يقول وقوله وإضاعة المال وذلك إما بالترك حفظه حتى يضيع أو يكون غرضة للسراق والضياع وإما بإهمال عمارة وعقاره. C'est-à-dire que cet argent-là, il est gaspillé ou il est comment dirais-je, tu le perds. De différentes façons. Soit en ne le protégeant pas. Et qu'on dit argent, c'est tout ce qui est... c'est pas l'argent forcément en soi, les billets ou la monnaie. Ça peut être toute chose que tu possèdes. Une voiture, un téléphone, voilà quoi. Mail, c'est un mot qui est large, ce sont les biens. Ce n'est pas forcément que l'argent. Donc des choses, tu les perds ou tu les gaspilles en ne les protégeant pas. Ou en laissant comme ça, sans... surveillance, à tel point qu'elles finissent par se perdre. Ou alors tu les exposes à se faire voler. Tu as, je sais pas moi, tu as un exemple, tu as posé ton téléphone sur un lieu exposé aux gens, on te le vole, bon, ce n'est pas permis, bien évidemment. Les gens vont dire, pourquoi tu as mis ton téléphone ici, toi aussi? C'est comme si tu voulais provoquer les voleurs. Non. Donc là, à ce moment-là, tu auras aussi une part de blâme. Dis ton téléphone, tu le ranges. Bien, un endroit bien sécurisé, c'est pas tu le poses là comme ça, je sais pas moi, sur le comptoir à tel endroit, et tu tournes le dos et tu fais ta vie. Ton téléphone, c'est sûr, on va te le voler. Ton téléphone, ton portefeuille, un stylo qui a de la valeur, toute chose. On va te les voler. Donc de là, on dira, toi aussi, tu as été étourdi, inattentif. Donc ça rentre dans Idarat al-Mal. Les choses que Allah Azzawajal déteste pour nous. Yakul aw bil infaq ala طيب يقول أو الإنفاق على حيواني وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير نافعة فكل ذلك داخل في دعاة المال. Cela comprend également le gaspillage, c'est-à-dire que ton argent tu le dépenses mal dans ce qui ne sert à rien, dans ce qui est inutile. On ne parle même pas de ce qui est haram. Tout cela rentre dans la perte d'argent. وإما بتولي ناقص العقول لها كالصغار والسفهاء والمجانين وغيرهم ونحوهم. Ou alors cet argent tu le confies à des gens qui sont inaptes à s'en occuper, comme tu donnes de l'argent aux petits, aux enfants, ou aux faibles d'esprit, ou aux gens qui sont fous et autres. Cela rend dans le gaspillage. Par exemple, je sais pas moi, un enfant, tu veux qu'il t'achète une chose, tu envoies un enfant acheter une chose toute simple qui coûte, je ne sais pas moi, 50 centimes, et tu lui donnes un billet de 100 euros. Que penses-tu qui peut se passer à ce moment-là? Si l'enfant il perd l'argent, qui sera blâmé, toi ou lui? Déjà, comment tu donnes un billet de 100 euros à un enfant comme ça? Ou s'il se le fait voler dans la rue? Ou je ne sais quoi. Donc tout cela, ça rentre dans Idarat al-Mal. Et ces choses-là, Allah Azza wa Jal, il a détesté pour nous. يقول وما كره الله لعباده فهو يحب منها ضدها. Ce que Allah déteste pour ses serviteurs, c'est qu'il aime le contraire. يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولون. Qu'ils soient bien renseignés dans tout ce qu'ils disent. Wallayan kulu kullu ma sami'uhu. Et qu'ils ne rapportent pas tout ce qu'ils ont entendu. Wan yakunu mutaharrin al-sidq. Et qu'ils fassent en sorte de toujours être fidèles à la vérité. De rechercher la vérité. Wan yasalu illa amma yanfa'. Qu'ils ne questionnent qu'au sujet de ce qui est profitable et utile. Wan yahfazu amwalahum. Également qu'ils préservent leur argent, leurs biens, et qu'ils les dépensent correctement. Et dans une version de hadith, il y avait également, il disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ukuk al-ummahat, et l'ingratitude envers les mères. Dans une autre version du hadith. طيب هذا كملنا هذا الحديث الحادي والتسعين. Le 91e hadith, on vient de le finir. Maintenant, on prend le Thani wa Tis'in, 92e. Yaqul an Aisha radiyallahu anha qalat dakhalat Hindu bint Utba imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya Rasulullah inna Abi Sufyan rajulun shahih la yu'tini min an-nafaqa ma yakfini wa yakfi ibnayya wa baniya plutôt. وإلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. Donc selon Aïcha, que Hind, la femme de Abu Sofyan, et ça c'était après son islam bien évidemment, car avant cela Abu Sofyan était un mushrik, puis il est rentré en islam, il était parmi les meilleurs des sahaba. Elle s'est rendue auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم. Et je précise que Hind, il y a, en parlant justement de rumeurs et de fausses paroles, il y a des choses qui disaient que comme quoi elle aurait mangé le foie de Hamza après qu'il ait été tué. Cela n'est pas vrai. Quand les ulémas, ils ont dit que cette histoire n'est pas vraie et elle vient à la base des rawafid. Pour pouvoir quoi? Mettre de la rancœur dans le cœur des croyants à son encontre. Cette histoire-là n'a rien qui soit authentique. Donc elle a dit que Abu Sofyan, son époux, est un homme qui est avare. Elle dit, il ne me donne pas comme dépense qui me suffit ni à moi, ni à mes fils. Si ce n'est ce que je prends de lui en cachette. Je sais bien. Est-ce qu'il y en cela un mal, c'est-à-dire à mon encontre? Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, prends de son argent de façon raisonnable, convenable, ce qui te suffit à toi et à tes fils. Le hadith, c'est le muttafaqun alayh. يقول أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا سأشير إلى ما يحضرني il a dit que les savants ont pris beaucoup de compréhension de fiqh et de règles à travers ce hadith et vont citer certaines de ses fawaïd. En premier lieu, il explique que de ce hadith cela fait exception à ce qu'on appelle al-riba. Riba qui est traduite comme étant la médisance. Que tu cites de ton frère ce qu'il n'aimerait pas que tu dises de lui. Car là, elle a dit que son époux était shahih. Shahih, ça veut dire dans le sens de bakhil, avare. C'est-à-dire qu'il a les moyens, mais il ne donne pas. Ce n'est pas comme un homme qui n'a pas. Là, c'est un homme qui possède, mais qui ne donne pas. Donc dans ces moments-là, il est permis aux gens de décrire la personne pour qu'on puisse comprendre quelle est l'affaire qui se déroule. Et la riba, il y a des cas où elle est permise. Dont celui-ci. Ou un nasiha, pour conseiller. D'accord ? Ou lorsqu'il y a un zulm, pour pouvoir récupérer un droit. Ou dans ce qu'on nomme le jarh au tardil, lorsqu'il s'est pour mettre en garde la ouma du mal de certaines personnes. Et ainsi de suite. Ça rentre dedans tout cela. Dans la permission de la riba. Et cela, c'est dans le cas du besoin, bien sûr, pas gratuitement. Car tu en as, par exemple, ils vont se servir de ce genre d'exception, d'après eux, car en réalité, ils font du riba sur les gens. Mais après, ils tentent de justifier par « oui, mais là, ça rentre, c'est fait exception à la règle, parce que moi, je dis ça pour telle et telle raison. » Mais quand tu regardes bien la raison qu'ils citent, elle n'est pas légitime. C'est juste que dans son cœur, il a une rancune envers une personne et il s'en sert. Ou pour se venger, ou pour discréditer, et autres. Kazalik, fi hadha al-hadith, on y trouve que la femme, il lui est permis de prendre des biens de son mari, sans qu'il ne soit consentant, sans qu'il ne le sache, mais dans quelle raison ? Quel est son droit de nafaqa? La nafaqa tajib ala zawj. Il est obligatoire au mari de dépenser pour sa femme et ses enfants, comme il le dit l'auteur. La nafaqa al-awlad wajibatun ala al-ab. Wa la yurtasu biha la yusharikuhu al-um aw la tusharikuhu al-um fiha wa la ghayruha. Qu'il a dit qu'à la dépense des enfants, cela incombe au père. Cela lui est spécifique à lui. Et que la mère, elle n'a pas à y participer si elle ne veut pas. C'est pas un droit qu'il y a. Ni elle, ni personne d'autre. C'est-à-dire ni le grand-père, ni la grand-mère, ni les oncles, ni les tantes. À la base, cette nafaqa, cette dépense pour les enfants, c'est un devoir du père. Et il dit, وَكَذَلِكَ كَذَلِكَ فِي وُجُوبَ نَفَقَةَ الزَّوْجَ. Et ce hadith indique également qu'il est obligatoire de dépenser pour la femme. Que l'époux dépense pour son épouse. C'est un droit qu'elle a. Et qu'il dépense, comme a dit Ta'ala, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ou لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. Que Allah n'impose à une âme qu'est-ce qu'elle supporte ou qu'est-ce qu'il lui a accordé. C'est-à-dire que la personne dépense en mesure de ses moyens. Bil ma'ruf. Une femme ne peut demander à son mari ce qu'il n'a pas les moyens d'avoir. Elle veut telle et telle chose, tel et tel vêtement, et ainsi de suite. Le mari n'a pas les moyens. Il lui donne déjà le minimum légiféré. Cela, alhamdoulilah, pourrait lui être suffisant. Et cela revient dans le hadith qu'on a appris la dernière fois. Lorsque le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le dua, Allahumma, as'aluka al-huda, wal-afaf, ou al-tuqa, wal-afaf, wal-ghina. Le hadith d'Ibn Mas'ud, lorsque le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude d'invoquer, oh Allah, je te demande la guider, la crainte, ainsi que la satisfaction et la richesse. C'est-à-dire que la femme également doit se satisfaire de ce qui lui parvient. Son mari fait des efforts pour dépenser de ce qu'il a. elle ne surcharge pas de dépenses et de demandes. Elle se contente de ce que son mari lui donne, tant que ça reste dans le ma'rouf. Et pareil pour les enfants. Maintenant, un mari qui est riche dépense en mesure de sa richesse. Et celui qui est pauvre également, en mesure des moyens qu'il a. Et de ce hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à Hind de prendre des biens de son époux, mais il a dit « Ma yakfiki, laki, walibaniki » prends ce qui te suffit à toi et à tes fils. C'est-à-dire, elle ne prend pas plus. Bil ma'rouf, dans la dépense à laquelle elle est accoutumée et à laquelle qui rentre dans la koudra de son zawj. Et à travers ce hadith, il y a également une règle de fiqh qui a été tirée. C'est qu'une personne qui est dans un cas de daroura et qu'elle peut faire un marzour, une chose qui est interdite, elle se contente du besoin. Mathalan, une personne qui se trouve, un exemple extrême, que le ulama souvent il cite, qui va bientôt mourir de faim, et qu'elle ne trouve que de la chair morte, al-maita, de la viande qui n'a pas été égorgée au nom d'Allah Azzawajal, pour survivre, sinon elle va mourir. Eh ben, elle va prendre la quantité suffisante à se renforcer pour pouvoir parvenir à un lieu à l'aura du halal. C'est pas la nourriture, elle le mange jusqu'à être rassasiée. Elle mange une quantité suffisante pour obtenir le maqsoud qui est à taqwiya, qu'elle se renforce pour pouvoir poursuivre son parcours et arriver là où elle trouvera ce qui suffira à comme halal pour se rassasier ou autre. Pareil pour la soifée. Ne trouve qu'un verre d'alcool par exemple. Eh ben, il boit ce qui lui suffit à se déshydrater pour pouvoir arriver par la suite à, comment dirais-je, elle sauvegarder de la déshydratation, de mourir de soif ou je ne sais quoi. Il boit ce qui lui suffit pour le permettre de survivre sur le moment. Et ensuite, une fois qu'il arrive à un lieu où il y a de l'eau, du jus, parmi ce qui est halal, là, il peut boire comme il en a envie. Donc toujours biqadr al-haja, dans la mesure du besoin. Aussi dans ce hadith, que celui qui est questionné, il lui est permis de répondre s'il pense du bien du questionneur au sujet, pour une fatwa, d'une autre personne qui est absente. Ou ala husna dhon bi sa'il fa yujib bima yara bima ya'lam. Par exemple, demain, une sœur a un problème avec son époux, comme ce fut le cas dans ce hadith, elle va voir un cheikh pour dire, mon époux, il se passe ceci et cela, que dois-je faire? Le cheikh n'a pas à dire, ramène ton époux que je lui parle. Car là, c'est une fatwa, c'est pas un hukm, comme l'auteur le dit lui-même. Maintenant, quand tu viens devant un juge, c'est autre chose. Devant un juge, il doit juger, donc écouter les deux parties. Mais là, c'est une fatwa. Et le mufti, il ne lui est pas imposé d'avoir les deux parties pour faire une fatwa. Lui, c'est ce qu'on lui dit, à la zahir. Et si jamais celui qui pose la question a menti ou a trompé, c'est « wa'yazi yatahammal ». C'est pas Moufti. Moufti va dire, moi j'ai répondu à ce qu'on m'a exposé comme question. Un homme est venu dans ma maison, il m'a cambriolé, pour me défendre, je l'ai tué. Est-ce que je dois jeûner ou ainsi de suite? Le chien va répondre. Il n'a pas à dire, est-ce que t'es sûr que il n'est pas rentré, ou c'est pas toi qui l'as ramené chez toi, tu l'as tué par vengeance. Non, le Moufti, il n'est pas là pour ça, lui. C'est pas un juge. C'est pas un enquêteur, c'est pas un policier. Tu lui poses une question, il répond à la question que tu lui as donnée. Si tu as menti, tout comme le mufti, il peut également, quand il te voit, il ne te sent pas, il voit sur toi des alamas qui font qu'il ne te voit pas véridique. Il peut ne pas te répondre. Ou te donner une réponse vague qui te poussera à le demander à quelqu'un d'autre. T'as vu? Parce que t'as des gens, des fois, ils te posent des questions, tu sens qu'il y a un macre derrière, tu sens qu'ils veulent une réponse pour arriver à un résultat négatif. Faire du mal à quelqu'un, ou se venger de quelqu'un, ou obtenir un droit qui n'est pas le sien, ou autre. Des fois, tu peux sentir ça de la personne. Après, tu lis pas dans le cœur. Mais t'as des gens qui ont des alamates, comment ils posent la question, comment ils se comportent, tu vois que c'est suspect un peu. Ça y est? Non. Et le dit donc l'auteur, la phrase, وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلَالَةً عَلَى الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحُكْمِ وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِفْتَاءٌ. Donc il a dit, ce hadith, cette histoire, n'est pas une preuve qu'il est permis de juger sur l'absent, car là, il ne s'agit pas de jugement, mais de istifta, c'est-à-dire de demande de fatwa. C'est quoi la fatwa? C'est al-ikhbar an hukm shar'i. C'est le fait d'informer d'un jugement légiféré, même s'il n'est pas appliqué. Et cette fatwa-là, les fatwas sont de différents niveaux. Et en réalité, tout musulman qui a un minimum de connaissances peut émettre des fatwas à son niveau. Car je vous le dis, il y a fatwa. Ça peut dire que tu es un mufti âme qui répond à tout. Mais demain, tu es une personne, tu as appris par exemple les arkams de l'ozo, la purification, et une personne plus ignorante que toi vient t'interroger. Tu vas pas lui répondre? Te dire non, je n'ai pas de fatwa. Tu vas lui répondre, tu vas te dire j'ai fait tel l'ozo de telle et telle façon. Est-ce que c'est sahih? Tu vas dire non. Par exemple, l'eau n'a pas touché tel endroit. Donc c'est pas ton ozo, il n'est pas valide. Et bien, tu as fait une fatwa à ce moment-là. Tu vois, tu vas faire une fatwa à ce moment-là. C'est-à-dire que t'es un mufti, en tant que fir, t'es un mufti. Mais ça veut pas dire que t'es un mufti au sens que t'es un mufti général, dans le sens où tu fais tout le temps des fatwas. Et des fatwas de tous les niveaux. Et là, il faut bien comprendre cela. Quand tu informes d'un hukm shari, t'as fait une fatwa. Que tu aies un mois d'islam, que tu aies un an, que tu aies 10 ans, t'as fait une fatwa. Et si jamais tu avais le ilm et le dalil qui va avec, il n'y a pas de blâme sur toi. Chacun connaît son niveau et sait où s'arrêter. Bien que beaucoup ne savent pas où s'arrêter, malheureusement. Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui de ces deux hadiths. Et Inch'Allah, après l'Isha, ka'alatina Inch'Allah nakhouz darsana fi 40 nawiyya. Biznillah ta'ala. Et on prendra le dars de ce soir qui sera annoncé, je pense vers 19h40 ou je ne sais plus trop, dans ces eaux-là. Biznillah ta'ala. Fanasallah yahfazakum wa subhanaka wa bihamdik. لا إله أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته En tout cas ça pleut fort hein. Ça continue comme ça, ça m'étonnerait pas qu'à l'AFT il dit mais entre le Maghrib et l'Aïcha Allah Alam. Non mais depuis tout à l'heure c'est comme ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend.